بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما هو خلاصة القاعدة الأولى التي أخذناها؟ هم يا غجل نعم ما معنى أن أسمعه كل حسنة؟ ما عنده ليس فيها نقص من ال ليس فيها أي نقص أي وجه من النقص يا أوكان ديفو يعني بالغة في الحسن نعم وكذلك أن الاسم متضمن للصفة كاملة يغوب لها الصفة التي تذهب معها في كل الجوانب للتكمل كما سيكون الآن في قاعدة الثانية التي سنأخذ اليوم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية دوزيام ريغل في أسماء الله ملون الله أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف Les noms Allah sont des, ce qu'on appellerait des noms propres et des awsaf, des descriptifs. Al-alam ism alam huwa al-ism wa ma dalla ala musamma mutlaqan. C'est le nom qu'on emploie pour définir une personne. Salan, fulan, ismuhu Zayd. Taïb, quand tu dis Zayd, yutlaq ala maza, la charse est l'ismu Zayd. مطلقا donc ce sont des noms propres en français on dirait comme ça nom propre alam et des awsaf des descriptifs parce que par exemple quand tajid min al makhluqin man law ismun wa al ma'na al mutadammin min hadha al ism lintabiq alayhi. Il a un nom et ce nom un descriptif et ce descriptif ne s'applique pas sur lui. Salih ismu Salih. Quelqu'un qui s'appelle Salih. Salih à la base c'est quelqu'un de droit, de pieux. Tu vois que c'est un gros fadjir. C'est un gros fasiq. Mais il s'appelle Salih. Ben là, Salih c'est alam, c'est tout. Ça définit la personne que tu saches pour la désigner. C'est elle la personne. Maintenant, est-ce que c'est un descriptif de cette personne-là? Ma yalzam. Ama Allah subhanahu wa ta'ala, na'am. Yalzam min dhalik. قال أعلم باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. Donc ce sont des noms propres par rapport au ذات, à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom qui s'applique sur Allah. Et une description par rapport à quoi? Au sens que l'on déduit de ce nom. وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على المسمى واحد وهو الله عز وجل. Donc en premier, par rapport au ذات, ce sont des synonymes. Car tous ces noms-là s'appliquent et viennent pour désigner la même chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, بِكُونِهَا أَعْلَمًا فَيَا مُتَرَادِفًا. En tant que nom propre, ce sont des synonymes. Dans ce point-là seulement. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالتي على كل واحد منها على معناه الخاص. Maintenant, par contre, en ce qui touche aux صفات qui en sont déduites, ils sont distincts. Ce sont des noms distincts. Quand on parle du ذات, ce sont des مترادفة, des synonymes. Car ils sont là pour tous désigner la même chose. Par contre, quand on parle de sifat, Ce sont tous des choses différentes. مثلاً فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. Donc tous ces noms-là, ce sont tous des noms pour désigner une seule et même chose, c'est qui? C'est Allah عز وجل. لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وكذا إنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها كما في قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم. Par contre, est-ce que le hay, c'est le même sens que le alim? Non, le hay c'est le vivant, le alim c'est l'omniscient. Wa ma'na al-alim, est-ce que le sens de alim c'est le même sens que le qadir, l'omnipotent? Non. Tamam? Donc lorsqu'elles sont des, on voit le côté non, ils sont tous des noms qui s'appliquent sur la même chose. Mais du côté awsaf descriptif, ils sont tous différents. Comme le trouve dans le Coran, ou Allah dans le sens où il dit, et qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. Fal ghufran shay wa rahma shay akhar. Wa qawluhu wa rabbuka al-ghafur dhur rahma. Et que ton Seigneur est le pardonneur qui détient la miséricorde. Fain al-ayat thaniya tadallat ala an al-rahim huwa al-muttasif bi rahma. Donc la deuxième ayah, deuxième verset, te démontre que le Rahim est celui qui est décrit comme possédant la Rahma. Bilijma' al-lughati wal-urf. Et ça c'est avec unanimité des gens de la langue arabe et du urf. Li'annahu la yuqal 'alimun illa liman lahu 'ilm wa la sami' illa liman lahu sama' wa la basir illa liman lahu basar. Wa hadha amrun abyan min an yahtaja ila ad-dalil. Car les gens du Lora et du Rolf, ils sont unanimes du fait que, on ne dit pas Alim, c'est quelqu'un qui a de la science, qui a du ilm. On ne dit pas Samir, c'est quelqu'un qui a un Sam, qui a de l'ouïe, qui entend. On ne dit pas Basir, c'est quelqu'un qui a le Basar, qui voit. On ne va pas dire Fulan ou Basir, il ne voit pas. Vous voyez, on ne va pas dire Fulan est Samir, il n'entend pas. Même le Akl n'accepte pas cela. Et ça, c'est une chose qui est tellement claire qu'elle n'a même pas besoin de Dalil. وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل. Donc là on voit l'égarement de ceux qui ont justement renié le sens des noms d'Allah عز وجل parmi les gens du ta'til. Ils ont renié le sens. وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا. Ils ont dit que Allah il est سميع mais il a pas de سمع. Qu'il est بصير il a pas de بصر. Et qu'il est aziz, il n'a pas de izza. Qui c'est qui dit ça? Mu'tazila. Athbatul asma, ils affirment les noms, mais ils refusent les attributs. Wa'allalu dhalika bi'anna thubut as-sifati yastalzimu ta'adud al-qudama. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'en affirmant le sifat, cela impliquerait qu'on l'avait pris dans le Tadmuriyya, une multiplicité des anciens. C'est-à-dire quand on dit anciens, c'est-à-dire de mettre différentes divinités. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. Et ça, cette cause qu'ils ont pris pour pouvoir refuser les sifat, c'est une cause qui est totalement morte, acceptée ni par les textes ni par le aql. Pourquoi ils ont dit ça? Car eux ils disent que est-ce que les sifat sont Allah ou sont autres que Allah? Après ils ont dit quoi? Les sifat sont autres que Allah. Ils ont différencié. Donc ils ont dit, en appliquant cette sifat-là, après ils ont dit, est-ce qu'il y a haditha ou qadima? Quand ils disent haditha, c'est une chose qui est venue furtivement, qui est venue en cours, ou c'est une chose qui a toujours existé? C'est ça qui veut dire par la part, hadith ou qadim. Ils vont dire, si jamais le qadim a toujours existé, c'est-à-dire qu'il y a une autre divinité que Allah. Donc en attribuant le sifat, on attribuera différentes divinités. On dit la sifat min Allah. La sifat ma ya Allah bi dhatihi. D'accord? Mais il y a minhu. Il y a minhu. Et ils en ont fait une chose indépendante, individuelle. Car la sifat, c'est une chose qui ne peut se tenir par elle-même toute seule. Mathalan, Al-ilm, c'est une chose qui peut avoir lieu tout seul. Al-basar, c'est une chose qui peut avoir lieu tout seul. La vue, l'ouïe, ce sont des choses qui sont attribuées à une essence. Donc déjà, le raisonnement, il est faux. De dire que la sifar, c'est pas Allah, donc c'est une chose indépendante, ça n'existe pas, ça. Maintenant, il va réfuter à ce qu'on a. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. Donc parmi les choses le sam, c'était quoi le sam? Adilat al-sam'iyya, c'est quoi? Le kitab et le sunnah, le texte. Que Allah s'est décrit avec beaucoup de descriptifs. Et cependant, il est unique, il est seul. Al-ahad. Allah Ta'ala. إن بطش ربك لا شديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Que certes la saisie de ton Seigneur est dure et qu'il commence et qu'il recommence, c'est lui qui a commencé la première chose et qui la recommencera, et qu'il est pardonneur et celui qui aime beaucoup et celui qui détient le arche majid et qui fait tout ce qu'il veut. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Donc glorifie le nom de ton Seigneur qui est le plus haut, celui qui a créé et qui a tout agencé harmonieusement, celui qui a prédestiné et qui a guidé, celui qui a qui avait sorti les choses, on va dire le pâturage, et qui en a fait mesalène du foin sombre. Fa fi hadhihi al-ayati al-karimati awsaf kathiratun li mawsufin wahidin wa la yalzamu min thubutiha ta'addud ila qudama. Donc dans tous ces versets, on a quoi? On a différents attributs qui reviennent à une seule même chose, c'est Allah Azza wa Jall. Donc cela n'inclut pas du tout une multiplicité des anciens. On dit Qudama, c'est mieux, parce qu'ancien, c'est... en français, ça passe pas. Les Qudama, c'est-à-dire des choses qui ont toujours existé, qui n'ont pas de début. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْصِفَاتِ لَيْسَتْ ذَوَاتْ بَائِنَةً مِنَ الْمَوْصُوفِ. Et par rapport au aql, car les sifats ne sont pas des choses qui sont à part de la chose décrite. Elles ne sont pas des choses à part, indépendantes. حَتَّى يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِهَا التَّعَدُّدْ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ صِفَاتِ Manit tasafa biha. Elles sont juste des attributs de la chose décrite. Elles font partie de lui. Fayya qaimatun bihi. C'est-à-dire que ces attributs, comme on l'a dit tout à l'heure, existent par le biais de la chose décrite. Elles le suivent, elles sont avec lui. Elles ne sont pas indépendantes. Wa kullu mawjudin falabud lahu min ta'addud sifatihi. Et toute chose qui existe a forcément différentes caractéristiques, différentes sifats. Fayya. طيب ففي صفات الوجود وكونه واحد واجب طيب ففي صفات الوجود وكونه واجب الوجود او ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره. Et cela qu'il s'agisse d'une chose dont l'existence est obligatoire, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, une chose dont l'existence est possible comme ça de la créature. Toute chose qui est se tient par elle-même a des attributs, et ces attributs se tiennent par cette chose-là. Et cette chose-là a elle-même différents attributs. Ils ne sont pas des choses qui sont à part. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. Donc là, on voit également, il dit que le Dahar n'est pas parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un nom figé, jamid, c'est-à-dire qu'il n'a pas de. On n'en sent pas de sifat. Qui n'a aucun sens le reliant au plus beau nom d'Allah Azza wa Jal. Lienu ismun il waqt wa zaman, c'est un nom pour le temps. Quand Allah ta'ala, un munkiri al-ba'th, wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna ila dahar. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Ils ont dit que c'est juste notre vie de ce bas monde. Nous vivons et nous allons mourir. Et seul le temps nous fait mourir. Donc ils ont dit quoi? Dahar. Yuriduna murur al-layali wal ayyam, c'est-à-dire que le temps en fait qui avance, c'est ça qui veut l'amener vers la mort. Fama qulu sallallahu alayhi wa sallam qala azza wa jal yu'dhini ibn adam yasub ad-dahr wa ana ad-dahr bi yadi al-amr uqallibu al-layli wa an-nahar. Que Allah azza wa jal dans le hadith qudsi, il a dit quoi? Que le fils d'Adam me porte atteinte car il insulte le temps et je suis le temps, car c'est dans ma main que se trouve le décret, c'est moi qui retourne la nuit et le jour. فلا يدل على ان الدهر من اسماء الله تعالى وذلك ان الذين يسبون الدهر انما يريدون الزمان الذي ومحل الحوادث لا يريدون الله تعالى. Donc ce dahr, les saints min asma illah, car ceux qui incitent le temps ne veulent pas Allah en lui-même, mais ils veulent quoi? Le temps en lui-même. Et min man athbata hada al-ism lillah al-zahiriya misl Ibn Hazm. Par exemple, Ibn Hazm a dit que الدهر من اسماء الله عز وجل وهذا كلام قول مرجوح. هذا قول مرجوح. Cette parole-là n'est pas correcte. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر قلب الليل والنهار. Donc le hadith est expliqué lui-même par la fin. Que veut dire le sens de dahar? Que dans ma main se trouve le décret, que je retourne la nuit et le jour. فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما دهر ولا يمكن ان يكون المقلب بكسر اللام والمقلب بفتحها وبهذا تبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. Donc là, le fait de retourner le temps démontre que celui qui retourne n'est pas la chose retournée. Mukallib, c'est ism fa'il, celui qui fait. Et mukallab, c'est ism maf'ul, c'est la chose qui a été faite. Les deux ensemble ne peuvent pas être une seule même chose. Donc le dahr, c'est une chose qui est créée par Allah Azza wa Jal. Donc il n'est pas possible que ce mot soit parmi ces asma. Donc on a compris le sens du hadith. Donc là, cette qa'ida là, qui était la deuxième, anna asma Allah, on a dit quoi? Sont tous des a'lam, des noms propres, comme on dirait en français, et des awsaf. La sifat déduite de ce nom s'applique quand même et est attribuée à Allah Azza wa Jal mutlaqan. Ou qu'il y ait une muqayyada bi muqabil, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il y a des sifat, elle vient sous le wajh du kamel, de la perfection. Quand tu vois un nom, min asma'illah, ce nom-là s'applique sur Allah Azza wa Jal, c'est son nom, et la sifat qui en est déduite est parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal. Obligatoirement. Al-qa'idatu thaniya, ou thalitha. Asma'ullahi ta'ala, idha dallat ala wasfin muta'addin, tadammanat thalatha umur. Que le nom d'Allah Azza wa Jal, si jamais ils ont un sens de ta'addi, c'est-à-dire qui agit sur autre. Tamam, qui a une influence sur autre. Alors cela inclut trois choses. Car comme tu le sais, on a pris dans l'af'al, l'af'al la qismain, muta'addiya wa lazima. T'as le fi'l qui est muta'addi, celui qui va avoir un maf'oul bihi, comme مثلاً daraba, frappé. T'akoul, daraba zaydun amran, zayd a frappé amr. Daraba, c'est un verbe qui frappe, qui agit sur autrui. Shariba, j'ai bu. Sharibtu al-ma'a, j'ai bu l'eau. Ce fait de boire, ça s'applique sur une chose. Ça, c'est ta'addi. Et l'azim, c'est un verbe qui n'agit pas sur autre chose. Mathalan, ta'koul, kaburtu, j'ai grandi. Kabura, yakburu, il n'y a pas de mafoulbi derrière qui vient. Anta kaburta, bes, fakat. D'accord? C'est une chose qui n'agit pas sur l'attaquant à la maful bihi mathalan ba'dahu. Donc l'asma Allah, ou plutôt le sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ba'daha, il y a muta'addiya, c'est-à-dire elles agissent sur la création. Et d'autres de ces sifat, quand même, ne reviennent qu'à lui-même. Donc lorsque ces sifat-là ont une influence sur autrui, muta'addiya, elles ont trois points. احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. عفوان جي دي en fait le nom, نعم, je rectifie ou plutôt je précise le nom d'Allah, la sifat que l'on déduit, je parle. Tamam, la sifat que l'on déduit, soit les muta'adiya, soit les lazima. C'est les muta'adiya, ça veut dire que quoi? Que ce nom, on l'affirme pour Allah Azzawajal. Ça, c'est un radaki ou jahmiya. Qui eux, le jahmiya, hum, raddu, al-asma, wa, al-sifat. Il va venir avec des exemples de sifat muta'addiya. Athani, thubut al-sifat, allati, تضمنها الله عز وجل لله عز وجل. On affirme la sifat comprise de ce nom pour Allah عز وجل. Ça c'est un rod Mu'tazila qui elle applique le nom mais renie la sifat. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. Et cette sifat, on en applique quoi? Le jugement qui en découle, tout ce que cela implique, tout ce que cette sifat elle implique. لهذا استدل أهل العلم على سكوت الحد عن قطاع الطريق بالتوبة واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Donc là, des gens de science ont pris par rapport à cette règle-là dans les Asma Sifat que le jugement, c'est celui, le brigand de grand chemin, celui qui coupe la route aux gens, si jamais il fait tauba, d'accord, on lui pardonne et on n'applique pas sur lui le had, comme le dit Allah Azza wa Jal, sauf ceux qui ont sont repentis avant que vous n'appliquiez sur eux la chose. Alors sachez que Allah est pardonneur miséricordieux. Car le verset d'avant c'est quoi? C'est inna ma jazaa'u allazina yuharribuna Allah wa rasulahu an yuqattalu wa sallabu tuqatti'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ay yunfadu min al-ard. Après il dit le verset, c'est-à-dire la récompense, ou plutôt la rétribution de ceux qui ont combattu Allah et son messager, c'est qu'ils soient tués, qu'ils soient crucifiés, qu'on leur coupe les mains de chaque opposé, ou qu'ils soient bannis de la terre. Et c'est pour eux un avilissement cette dunya, et dans l'au-delà ils auront un châtiment douloureux. Après le verset, إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. À part ceux qui ont fait Toba avant que vous n'appliquiez la sentence sur eux. Ils ont dit, c'est quoi la chose qui démontre cela? Que à la fin là, il dit quoi? إن الله غفور رحيم. Donc elle غفور من اسمه الله. Et c'est un peu quoi comme sifat? Elle غفران, qu'il pardonne. Et c'est une sifat qui est متعديه. Le غفران est sur qui? Sur autrui. ورحيم. Ça implique quoi comme sifat? الرحمة. Le Rahim, c'est l'a dit, Yusilu Rahmatu le Mansha'a min Kharkihi, comme on l'a expliqué, qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut. Alors que Rahman, c'est lui qui est décrit comme ayant une large Rahma. Et Rahim, c'est lui qui fait parvenir cette Rahma à qui il veut. Il y a un fort entre les deux noms. Rahman, il n'est pas Muta'addi. Ar-Rahim, il est muta'addi. Tu veux dire, Fulen, Rahimun bikaza. C'est-à-dire, Fulen, il est miséricordieux, Mathalan, envers ses enfants. Fulen, Rahim bi awladi. Ama Rahman, ça ne se dit pas. Déjà, Rahman, ça se dit que pour Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas de verset où il dit Ar-Rahman bi. Là, bi shay. Avec un hafoujar qui amènera un ta'addi. Parce que des fois, le fi'l, il peut être muta'addi, en dehors de sifat, par un hafoujar. Une fois que tu dis, j'allaisse tout à la coursie. Je suis assis sur la chaise. C'est un ta'addi, ça. Même si le coursie, c'est un isma jurur par le hafoujar, mais l'assise, elle a lieu sur une chose. Donc c'est un ta'addi qui a eu lieu. Comme tu dis, d'arabtu zaydan, j'ai frappé zayd, tu dis, j'ai resté à la coursie, je me suis assis sur la chaise. Ton assise, elle a lieu sur une chose. Donc tu as eu un ta'addi qui s'est fait. طيب مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع إثمان لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه هو وأنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تجاوركما إن الله سميع بصير. Donc le Samia, c'est un nom qui implique quoi? Déjà c'est Ibn Asma'illah, Samia, et ça inclut quoi? Assam, lui. Même comme sifat d'Allah Azzawajal. Et c'est quoi le hukm de cet oui? C'est que Allah il entend tout. Car c'est une sifat muta'addiya. Tasma, quand tu dis, مثلاً, Samia tu shay'an, j'ai entendu quelque chose. Là, il t'en a ma foule bihi. Tu peux dire asma tout seul. Mais ton sama, il est lié à quoi? À autre chose. Donc il y a un ta'addi qui s'est fait. Donc Allah, ça veut dire quoi? Qu'il entend tout. Maintenant, il passe de l'autre point. Maintenant, si jamais c'est un wasf qui n'est pas muta'addi, c'est-à-dire qui est lazim, qui n'a pas d'influence sur autre, alors il n'a que deux points à retenir par rapport à ça. L'autre c'était trois, celui-là c'est deux. Ahaduhuma, thubut dhalik al-ism lillah azza wa jal. On affirme à Oulen ce nom pour Allah. Thani, thubut al-sifat al-lati tadammanuha lillah azza wa jal. On affirme cette sifat pour Allah azza wa jal, déduite de ce nom. Ce sont les deux mêmes premiers points des trois qu'on a pris tout à l'heure. C'est lequel le naqis qu'il n'y a pas là? C'est le jugement, le muqtada. Car comme c'est pas un muta'addi, il n'y a pas de hukm à en tirer sur la création. Fahimt? Mithal dhalika al-hayy. Al-hayy, nasma'illah. C'est d'akoul, Fulan hayy, pour tout Allah. Fulan, il est vivant. Est-ce que c'est un ta'addi, ça? C'est toi, tu es vivant, c'est tout. Est-ce que c'est lié à autre chose derrière? C'est lié à rien du tout. Tu dis, ana, mithalan, ana hayy. Al-Hayy, c'est tout. Maintenant, ta vie en elle-même n'a pas d'influence sur autre chose qui a besoin d'avoir à quoi? Amaful bi, mais ça va être un verbe. Aurel zalika. Al-Hayy, yatadamman isbat al-Hayy isman lillah azza wa jal, ou isbat al-Hayat sifatan lah. Donc le Hayy, ça veut dire qu'on l'affirme pour Allah comme nom. Et on en déduit quoi comme sifat? Al-Hayat. La vie. Pour Allah azza wa jal. Maintenant, c'est la vie d'Allah azza wa jal. En soi, est-ce qu'il y a une action qui s'applique sur la création? Non. Comme مثلاً, Assam. Le Sam, lui, le fait qu'il entend, il entend quoi? Tout. Ce qui inclut la création. Maintenant, le Hay, est-ce que la vie en soi, elle a une influence, une action sur la création? Là. Ça, c'est lié à Allah Azza wa Jal. Une sifat al-dhatiya. Donc ça, c'est ce qu'on a pris là comme deuxième règle. Ou plutôt troisième règle. Que si jamais la sifat, ou le nom plutôt, il a une sifat qui est muta'addiya, on en tire trois points. On affirme ce nom, on affirme la sifat, et on en sort le jugement. Est-ce que cela implique? Et si jamais c'est un nom qui a une sifat qui est lazima, qui n'a pas de ta'addi sur le khalq, on en tire quoi? On affirme ce nom, et on affirme la sifat. Allah. مفهوم هاتين قاعدتين طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين